moi, ne crains rien. Détends-toi, je suis là. J'ai pas bien le pied marin. De toute façon, là on va, ça ne fait rien. C'est un océan plat. Sur ma pirogue, les gambettes en éventail, le vent sucré dans la nuque. Sur ma pirogue, tu redresses le gouvernail qui soulève un peu ta jupe. Assieds-toi contre mes reins, ou je rame et toi tu conduis. Serre-moi bien, ou je m'évanouis. Laisse-moi caresser les seins, pathique poisson qui envie. L'air de rien, nos deux anatomies. Sur ma pirogue, les gambettes en éventail, le vent sucré dans la nuque. Sur ma pirogue, tu redresses le gouvernail qui soulève un potager. Nous n'aurons plus jamais faim, nous lècherons nos chairs tous les jours, car enfin, c'est un aller sans retour. Je navigue avec les mains, explorateur de tes contours. Tout va bien, je suis devenu sourd. Sur ma pirogue, les gambettes en éventail, le vent sucré dans la nuque. Sur ma pirogue, tu redresses le gouvernail qui soulève un peu ta jupe.